France Inter. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Marie Desplechin et je vais vous raconter l'histoire de Nadia, de sa cabane et du roi du bassin. Nadia adore l'été. Le dernier jour d'école, maman prépare sa valise. Le lendemain, mamie sonne à la porte, elle embrasse sa fille et elle emmène Nadia chez elle, en train. Papy les attend à la gare. Il a préparé des carottes râpées en l'honneur de Nadia. C'est son plat préféré. « J'aime les enfants qui ont des goûts simples », dit papy en apportant les carottes à table. Les carottes sont sucrées avec un petit parfum de citron. Papy les fait pousser lui-même dans le potager au fond du jardin. Chaque année, papy tresse une couronne de fleurs pour Nadia. Il la pose sur sa tête et dit « Je te proclame reine annuelle du royaume du jardin ». Ensuite, Nadia peut faire tout ce qu'elle veut, jouer avec de l'eau et même cueillir des fleurs. Quand elle s'ennuie, mamie l'emmène en course ou sort les crayons de couleur. Elle lui permet aussi de fouiller la cave ou le grenier. La maison est petite, mais elle abrite une quantité de choses intéressantes, comme de très vieux habits et de mystérieux objets oubliés dans la poussière. Nadia pourrait être la fille la plus heureuse du monde. Son problème, c'est qu'elle n'a pas d'amis à la campagne. Tous ses amis vivent en ville, autour de l'école. Cet été, Nadia a un grand projet. Elle voudrait une cabane. « Pas de problème, » dit papy. « On va te construire ça vite fait. »« Il reste des planches au fond de la serre, » ajoute mamie. « Assez pour bâtir un palais pour la reine du jardin. » Nadia ne dit rien, mais elle est déçue. Elle avait imaginé de faire ça toute seule, avec des branches et des draps du grenier. Ce n'est pas du tout pareil de construire sa cabane et de regarder ses grands-parents construire une cabane. Mais elle ne veut pas les contrarier, ils ont le droit de s'amuser eux aussi. Papy a trouvé l'endroit idéal. Ce sera à côté du potager, tout près de l'abri où il range ses outils. Mamie a sorti les planches de la serre. Depuis que Nadia a prononcé le mot « cabane », ses grands-parents ne parlent plus que de ça. On dirait que c'est leur cabane à la fin. Nadia les laisse discuter tous les deux et elle part au fond du jardin, sous les arbres. 5 arbres poussent le long du mur qui ferme le jardin. Quand elle était petite, Nadia leur a donné des noms. Ils s'appellent Jérémy, Portrait, Tulipe, Parrain. Et puis il y a Pipin, un vieux tilleul qui sent bon tout l'été, peut-être exprès pour plaire à Nadia. Les noms ne veulent rien dire, Nadia était presque encore un bébé quand elle les a inventés, mais ses parents et ses grands-parents les ont trouvés amusants et les noms sont restés. Nadia va s'asseoir à côté de Pipin. C'est son préféré, avec ses feuilles vert jaune presque rondes et son parfum de salle de bain. Elle lève la tête et elle regarde vers le ciel à travers ses branches. On dirait qu'il ouvre les bras. Parfois, Nadia a l'impression que le tilleul est une personne et parfois aussi que cette personne l'appelle. Par exemple, à cet instant, elle l'entend qui murmure. Nadia, Nadia, Nadia. « Ta cabane est dans les airs, au milieu des feuilles. » Et c'est vrai, les branches de pipin forment un berceau. Un enfant peut s'y faire un nid à sa taille. Nadia grimpe le long du tronc. Elle fait attention aux branches auxquelles elle s'accroche et aux petites bosses sur lesquelles elle pose les pieds. Elle arrive aux premières grosses branches et s'assied à califourchon sur celle qui lui semble la plus solide. Elle regarde autour d'elle. Elle peut voir tout le jardin de ses grands-parents. Elle peut même voir ses grands-parents. Mamie est dans la serre et papy dans le potager. Ils sont très occupés par cette histoire de cabane. Ils n'ont pas le temps de surveiller leur petite fille. Nadia en profite pour monter au deuxième étage des branches. Elles sont moins épaisses que les branches du premier étage, mais plus proches les unes des autres. Si Nadia arrivait à hisser une petite planche à cette hauteur, Elle la poserait en équilibre sur deux branches, ce qui lui ferait une plateforme. Il ne lui manquerait plus qu'un coussin et une boîte de biscuits pour avoir une cabane personnelle, une véritable cabane secrète perchée. Nadia se dit qu'elle devrait dire à ses grands-parents qu'elle n'a pas besoin de leur cabane. Mais elle n'est pas sûre qu'ils seraient ravis de la voir en haut de Pipin. Elle préfère ne rien dire. Elle profite de son bonheur. Un peu, beaucoup, et puis plus du tout. Elle vient de se souvenir qu'elle n'a pas d'amis pour le partager. Voilà, elle est triste. Tout est gâché. Quand elle était petite, Nadia avait des amis imaginaires. Le premier s'appelait Yuki Jones, le second s'appelait Cheval. Elle s'en occupait avec soin, n'oubliant jamais la longe de cheval ni le chapeau de Yuki Jones. Elle parlait d'eux à ses parents et à ses grands-parents, mais jamais à ses amis réels. Les amis imaginaires sont trop timides pour rencontrer les non-imaginaires. Ils s'évanouissent et disparaissent. Nadia invite ses amis imaginaires dans sa nouvelle cabane. Yuki Jones bondit de branche en branche. Cheval a plus de mal à escalader le tronc, c'est normal. « Regardez !» leur dit Nadia. « C'est ma cabane !» Cheval et Yuki Jones trouvent un endroit confortable pour s'installer. Cheval tend le cou vers les petites branches et goûte les feuilles de pipin. Maintenant, Nadia regarde par-dessus le mur, de l'autre côté. Elle voit un autre jardin, au milieu duquel est creusée une petite piscine bleue. Des gens sont en train de déjeuner sur une table dressée à côté du bassin. On dirait une famille avec tout ce qu'il faut de grandes personnes. Nadia est très intéressée. Elle regarde, Yuki Jones et Cheval regardent avec elle. Et soudain, voici qu'un garçon sort de la maison en courant et se jette dans la petite piscine. On dirait un nouvel ami imaginaire. Aussitôt, Nadia lui donne un nom, il s'appellera Roi du Bassin. Roi du Bassin sort de la piscine, il prend une serviette, il se sèche, puis il regarde autour de lui. Nadia voit qu'il est fou de joie de se baigner dans la piscine. Elle devine aussi qu'il est triste et plein de regrets parce qu'il ne peut partager son bonheur avec personne. Alors Nadia l'appelle. « Roi du Bassin ! Roi du Bassin !» Le garçon cherche des yeux. Il se laisse guider par la voix de Nadia. Arrivé devant le mur, il lève la tête et aperçoit une petite fille nichée en haut d'un vieux tilleul. « Tu te trompes !» crie Roi du Bassin à Nadia. « Je m'appelle Antoine !» Nadia voit bien qu'il est un ami non imaginaire. Yuki Jones et Cheval s'effacent dans les branches de pipin et disparaissent. « Antoine, Roi du Bassin !» lance Nadia. « Mes grands-parents nous construisent une cabane !» Ce sont de très bonnes vacances. Les parents d'Antoine ont posé une échelle contre leur mur. Les grands-parents de Nadia en ont posé une de leur côté. Il suffit de monter à l'échelle pour changer de royaume. Parfois, Antoine et Nadia nagent dans la petite piscine bleue. Parfois, Nadia et Antoine jouent dans la cabane à côté du potager. Mais parfois aussi, secrètement, ils déplacent l'échelle jusqu'au vieux tronc. Et il grimpe se nicher dans les branches de pipin. Ne le dit à personne. La cabane perchée, c'est leur palais secret. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit !